والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: الله نجي أن اشكر لله سواغك نساء الله. أيها الإخوة الكرام، parmi ce dont Allah Jalla wa Ala nous a attribué et octroyé et donné comme bienfait et comme faveur dans ce moment d'ad-dunya, et en particulier dans les pays occidentaux, cette liberté dans laquelle nous jouissons afin de répandre la religion d'Allah Jalla wa Ala, cette liberté dans laquelle nous nous trouvons afin de prêcher à Allah Tabaraka wa Ta'ala d'une façon sûre et sur des preuves évidentes. Oui, notre Seigneur Jalla wa Ala nous questionnera certes à ce sujet. Cette liberté avec laquelle nous pouvons ordonner le convenable et avec laquelle nous pouvons interdire le blâmable, Allah Jalla wa Ala nous posera cette question: qu'avez-vous avancé pour la religion d'Allah? ماذا قدمت لدين الله? Qu'as-tu avancé pour la religion d'Allah Jalla wa Ala? Tout le monde parmi nous se doit de poser cette question à lui-même. Qu'as-tu avancé pour la religion d'Allah? Une question gênante, une question humiliante. Il nous faut obligatoirement, ayol ikhwa, prêcher à Allah Jalla wa Ala et ne pas avoir peur pour Allah de quoi que ce soit. Avec une bonne parole, avec un sourire, avec une parole douce, nous nous devons d'avoir le cœur des serviteurs parmi les bons, parmi les non-musulmans et devant les non-musulmans, et ce, avec le bon comportement, husnul khuluq. Le comportement de qui? Du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, afin d'effacer ce qui nous entache parmi les descriptions et les annotations contre cette religion, l'islam. Les musulmans, et certes Allah nous suffit. An ishkur lillah, sois reconnaissant à Allah. Et Allah nous dit à la suite de cela: وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Et celui qui est reconnaissant, il est certes reconnaissant que pour lui-même. Car ayo al-ikhwatul kiram, le remerciement et la reconnaissance, al-shukr, est vers toi dans la vie de ce moment d'ad-dunya, n'est pas vers Allah Jalla wa Ala. Car personne ne pourra remercier et personne ne pourra être reconnaissant vers son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala comme il se doit. Et personne ne pourra remercier Allah pour tous les bienfaits qu'il nous aura accordés. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Et quiconque est reconnaissant, il n'est reconnaissant en réalité que pour lui-même. Car c'est toi qui profiteras de cette reconnaissance à Allah. C'est toi qui bénéficieras de ta reconnaissance et de ton remerciement envers ton Seigneur et ton Créateur Jalla wa Ala. Car Allah n'a point besoin de toi. Car Allah n'a point besoin de ses serviteurs. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Et celui qui est ingrat, celui qui est mécréant, certes Allah se dispense de tout et il est digne de louange. Allah Jalla wa Ala, ayu al-ikhwa, n'a pas besoin. Allah Tabaraka wa Ta'ala ne profite pas de l'obéissance des serviteurs et ne le nuise pas à la désobéissance de ses serviteurs et des gens. Ayu al-ikhwa tul kiram, comme nous le dit sallallahu alayhi wa sallam, si tous les humains et tous les djinns avaient le cœur du plus pieux homme, ceci n'augmenterait en rien le royaume d'Allah Azza wa Jal. Et si tous les humains et tous les djinns avaient le cœur du plus homme pervers, du plus pervers homme, ceci ne diminuerait en rien le royaume d'Allah Jalla wa Ala. Car Allah ne nous a pas créés car il y avait peu de créatures. Allah ne nous a pas créés car il se sentait seul. Allah Jalla wa Ala ne nous a pas créés pour qu'on l'aide dans une situation qu'il n'a pas pu accomplir. Là, Allah nous a créés afin de l'adorer longuement. Allah nous a créés afin de beaucoup l'invoquer et afin de le glorifier matin et soir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et nous n'avons créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. أَنْ يَشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Et quiconque est reconnaissant, il n'est reconnaissant que pour soi-même. Et comme Allah Jalla wa Ala nous dit: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا. Quiconque fait une bonne œuvre, c'est pour son bien, et quiconque fait le mal, il le fait à ses dépens. Na'am. Et celui qui est ingrat, comme Allah Jalla wa Ala nous dit: وَمَنْ كَفَرْ. Celui qui est ingrat et mécréant, Allah se dispense de lui. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِي. comme Allah Jalla wa Ala nous dit, Wallahu al-Ghani wa antum al-Fuqara. Allah est le suffisant à lui-même, alors que vous, vous êtes les pauvres envers lui, et si vous vous détournez, il vous remplacera par un peuple autre que vous, et certes ils ne seront pas comme vous. Et Allah nous dit également, Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwa al-ghaniyul hamid. إِيَّشَ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. Oh vous les hommes, c'est vous qui êtes certes les indigents ayant besoin d'Allah. Et Allah c'est lui qui se dispense de tout et c'est lui le digne de louange. S'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait surgir une nouvelle génération, une nouvelle création. Et cela n'est point difficile pour Allah. أَنِشْكُرْ لِلَّهِ. Sois reconnaissant à Allah. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Et quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour lui-même. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Et quant à celui qui est ingrat, en vérité Allah se dispense de tout. Et c'est lui le digne de louange. Ainsi tout ce qui est dans les cieux, ayol ikhwa, tout ce qui est dans les terres lui appartient, tabaraka wa ta'ala. La totalité de l'univers, la totalité du monde lui appartient, jalla wa ala. Tout se soumet à sa volonté, tout se soumet à sa permission et rien ne bouge qu'avec sa permission, jalla wa ala. Rien ne bouge qu'avec sa volonté, jalla jalalo. Wa man kafar, et quant à celui qui est ingrat, fa inna Allah ghaniyun hamid. Allah se dispense de tout et il est digne de louange dans toutes les situations, digne de louange dans tous les contextes. Le majestueux Al-Majid, celui qui est décrit par les attributs les plus complets et les plus majestueux. Wa man kafar, quant à celui qui est ingrat en vérité, fa inna Allah ghaniyun hamid. Allah se dispense de tout et il est digne de louange. Ainsi celui qui est ingrat et celui qui sera mécréant quant au bienfait qu'Allah Jalla wa Ala lui aura accordé, il recueillera les fruits de son ingratitude. Il recueillera les fruits de sa mécréance, et certes dans peu de temps. Car le fait de ne pas reconnaître les bienfaits qu'Allah Jalla wa Ala t'aura accordé, ya Abdallah, est une grande cause dans la perte de ses bienfaits dans ce bas monde ad-dunya, et ce dans peu de temps. Regardez ce qu'Allah Jalla wa Ala nous dit. وضرب الله مثلا قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. Allah nous propose un exemple et il nous dit, il nous propose un exemple, une ville. Cette ville, elle était en sécurité et tranquille. Sa part de nourriture lui venait de partout et en abondance. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah? فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. Cette ville se montra ingrate et mécréante quant au bienfait d'Allah Azza wa Jal. فَآذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah lui fit alors goûter la violence de la faim et de la peur en punition de ce qu'il faisait. وَالْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. Pourquoi? Car elle aura mécru et car elle aura été ingrate quant au bienfait qu'Allah Jalla wa Ala lui aura accordé. Et Allah nous dit également à propos du peuple de Saba, لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٍ جَنَّتَانِ مِنْ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَشْكُرُورَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ. Allah nous dit, il y avait assurément dans la tribu de Saba un signe dans leur habitation, deux jardins, l'un à droite et l'autre à gauche. Et alors leur prophète leur dit, mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué et soyez lui reconnaissant, une bonne contrée et un Seigneur pardonneur. Quelle fut donc la finalité? Comment ont réagi ce peuple de Saba? Regardez ce que nous dit Allah Jalla wa Ala. Fa'aradu. Ils se détournèrent. Fa'aradu. Ils se détournèrent. Fa'arsalna alayhim sayl al-arim. Wabaddalnahum bi jannatayhim. Jannatayn dawata uklin. وأكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. الله جل وعلا nous dit, puis ils se détournèrent, nous déchaînâmes alors contre eux l'inondation du barrage et leur changeâmes leurs deux jardins en deux jardins aux fruits amers, tamari et quelques jujubiers, c'est-à-dire des arbres avec des épines. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وهل نجازي إلا الكفور. Comme Allah nous dit, ainsi nous les rétribuâmes pour leur mécréance. Et saurions-nous sanctionner un autre que le mécréant? Ainsi, tout ce qui aura été ingrat et mécréant envers les bienfaits qu'Allah Jalla wa Ala lui aura accordés, et se sera baigné dans les bienfaits d'Allah Jalla wa Ala, mais dans ce qui ne satisfait pas Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah lui fera alors voir la mauvaise finalité, le mauvais séjour, et la mauvaise destination de ses bienfaits, et cela dans peu de temps, yuallah. As'alullah jalla wa ala an yaj'alana min ash-shakirin. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il fasse que l'on soit parmi les reconnaissants en ses bienfaits, et afin que le profit soit complet, ayol ikhwa, lorsque quelqu'un effectue une bonne action pour vous, n'hésitez pas à le remercier. Lorsque quelqu'un effectue une bonne action pour vous, n'hésitez pas à le remercier. Ceci ne va pas à l'encontre du remerciement et de la reconnaissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné cela, de remercier les gens dans ce qu'ils nous ont accordé comme bienfait et comme action. Remercier les gens ne va pas à l'encontre du remerciement d'Allah tabaraka wa ta'ala. يقول الله عز وجل, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ. Nous avons certes accordé à Luqman la sagesse. أَنِشْكُرْ لِلَّهِ. Sois reconnaissant à Allah. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Et quiconque est reconnaissant, il est reconnaissant pour lui-même. وَمَنْ كَفَرْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Et quiconque est ingrat et mécréant, Allah est certes se dispense de tout et il est digne de louange. As'alullah jalla wa ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yaj'alana min ash-shakirin lillah. Qu'il fasse que l'on soit parmi les reconnaissants à Allah tabaraka wa ta'ala, wa min al-hamidin wa al-ta'i'in lillah rabbil alamin, et parmi les loueurs et les obéissants au Seigneur de l'univers. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou oubli ou omission ne peut provenir que de moi ou de Shaytan. Et je demande à Allah jalla wa ala qu'il évoque en bien dans les grandes assemblées, et qu'il accorde sa bénédiction et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà son noble messager, ainsi que sa famille, ses compagnons, ses bien-aimés et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Et notre dernière invocation, ayyuhal ikhwatul kiram, que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Walhamdulillahi rabbil alamin.